À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du dirigeant Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, l'orchestre symphonique d'État a donné le 24 décembre au théâtre Moranbong à Pyongyang la représentation sous thème « Soleil éternel ». Y ont assisté Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, autres cadres responsables du parti et de l'État, les fonctionnaires des organismes du parti et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, ainsi que les cadres et les travailleurs des unités d'activité du niveau de la ville de Pyongyang.